Audiomatique. Pour lancer cette transmission 251 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter Hourglass, la nouvelle composition du projet Mr. LFO, mené par Jean-Philippe Bélanger, qui est originaire de la ville de Québec. Et c'est le Nortec Collective qui lance la prochaine séquence musicale à Audiomatique.

La formation Sons of Kemet concluait cette séquence musicale de deux pièces avec My Queen is Angela Davis, tirée du plus récent album Your Queen is a Reptile, paru en 2018. Avant Sons of Kemet, nous entendions le Nortec Collective et la pièce Eza Banda and Dub, tirée de l'album Tijuana Sessions Volume 3. Audiomatique reprend son séquençage musical avec cette fois la formation américaine And You Will Know Us by the Trail of Dead. We'll be right back. Hey! Une sorte de vieux manoir où rien n'est à l'équerre. Le plafond est par terre. Les escaliers tournants ne mènent nulle part. Ce sont des accessoires. Et dans ma chambre il fait noir. Et dans ma chambre il fait noir. Mon lit sur le côté. Le plafond est par terre. Je dors les pieds en l'air. Dans le manoir à l'envers. Dans le manoir à l'envers. Nous ne sommes plus que sept, ma sœur, ma mère, mon père, mes cousins et l'ancêtre. Dans le manoir à l'envers. Le manoir à l'envers. Nous ne parlons jamais, à quoi nous sert de parler. Nous nous réunissons à l'heure du dîner. Et c'est un peu triste d'avoir la table de côté, les sept chaises bancales. Le silence est total, nous lisons quelques livres. Il y en a des milliers, mais aucun à nous. Un jour ou une nuit, ce manoir maudit, cette cacophonie. Mais parfois notre ancêtre, entre deux balbutiements, nous livre le secret. Mais personne ne le comprend. Mais personne ne le comprend. Pour être au nouveau 18, la terre ne tourne pas. Et tu es quelque part par là-bas. Quelque part par là-bas. We'll be right back. can't get a sense of nothing. No one else comes clean. And I can't sleep, cause I got nothing. Pour mettre un terme à ce segment musical à Audiomatique, nous vous avons offert le groupe anglais Kasabian et la pièce ID, extraite de leur premier album qui est éponyme et qui a été lancé en 2004. Précédemment à Kasabian, on avait droit à Jean Leloup et sa chanson Le Castel Impossible, tirée de son troisième album Le Dôme, paru en 1996. Et pour débuter, le groupe texan And You Will Know Us by the Trail of Dead nous interprétait la chanson de Fairlight Pendant que l'on retrouve sur leur septième album Tower of the Dead, commercialisé en 2011. Audiomatique, allons-y maintenant avec la formation suédoise Covenant. To an echo of your own. We'll be right back.

à Audiomatic. Nous venons de terminer cette séquence musicale de deux pièces sur The Knife Drawer, une composition du projet Hi-Fi Bugs, ici présentée dans une version remaniée par Rylan Allison et qu'on retrouve uniquement sur la compilation Y4K, produite par l'étiquette de disque Distinctive Breaks, qui est sortie en 2004. Et avant Hi-Fi Bugs, c'était Covenant et une de leurs nouvelles pièces, soit All That Is Solid Melts Into Air, c'est tiré du EP Fieldworks Excursion, paru un peu plus tôt cette année et qui annonce un album à venir sous peu pour Covenant. La dernière pièce de cette transmission 251 d'Audiomatic sera l'œuvre du groupe américain Dirty Projectors et porte le titre de Useful Chamber et a été enregistrée sur son sixième album Bit Orca, qui est paru en 2009. Les sonoristes préparent déjà la transmission 252 d'Audiomatic, qui sera d'abord diffusée en direct du studio de C'est Fou 89.1 FM, mercredi prochain dès 17h, avant de se retrouver dans les environnements numériques pour une écoute intemporelle et délocalisée. C'est à travers nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-cfou que vous pourrez d'ailleurs accéder à cette transmission ainsi qu'à nos archives numériques. Voici donc Dirty Projectors et la chanson Useful Chamber. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Storm.